Chapitre 16e. Pépin, quand il se retrouva seul, perdit un peu de sa confiance. Il se demanda si le docteur n'avait pas menti pour le délivrer de ses soucis. Il voulut en avoir le cœur net et monta chez l'empereur, qu'il trouva prêt à se mettre au lit. Il résolut d'obtenir la vérité, fût-ce au prix d'une ruse indigne de sa franchise ordinaire. « Mon vieux camarade, lui dit-il, Milvaud tout à l'heure, en causant avec moi, a laissé échapper un mot qui m'a vivement froissé. Il se peut que je sois obligé de lui en demander raison, et j'ai compté sur toi pour m'assister. Qu'est-ce que tu me chantes ? Il a eu l'air de soupçonner la vertu d'Élisabeth, et je le considère, jusqu'à nouvel ordre, comme un lâche calomniateur, que je châtierai sévèrement, à moins qu'il n'ait dit vrai. Si tu sais quelque chose, il faut m'éclairer, sans quoi... » Et son bras tendu dessina un geste terrible. « Mais je ne sais rien. Alors je le tuerai comme un lapin, froidement. Tu ne feras pas ça. Je le ferai, pas plus tard que demain. Voyons, tu me mets dans une situation affreuse. Laisser s'entretuer de vieux camarades, c'est ta faute. » « Ou avouer à un mari. Tu as dit, avouer, c'est donc vrai. Eh bien oui, là, c'est vrai. » Alors Élisabeth m'a trompé, à fond. Depuis 15 ans. 15 ans et 6 mois. Allons, c'est bien ça, avec un militaire. Un militaire, pourquoi un militaire? Qu'est-ce que tu connais des militaires? On en connaît toujours un pour ça, répéta Pépin, à qui la phrase avait plu. C'est Milvaud qui t'a dit un militaire? C'est lui. En voilà un serin. Et s'il n'y a que les militaires pour courir après les femmes mariées? Certainement non. Ce n'est pas un militaire. Qui est-ce alors à couche? C'est un chirurgien célèbre, pas très en vue. Son nom? Ah, pour ça, jamais de la vie. Et ça se passait tous les vendredis. Pas du tout, tous les mardis. Pourtant, Milvaud avait l'air bien sûr de son fait. Il le tenait de l'amant, qu'il connaît, à ce qu'il m'a assuré. Il paraît qu'il existe des hommes assez ignorants pour se vanter. Il a convenu du reste que c'était un mufle. Il a dit ça, nettement. C'est lui qui est... Enfin, ça ne change rien aux choses. Et tu es sûr de ton côté? Le chirurgien t'a fait aussi ses confidences? Parfaitement. Alors ça fait deux. Le chirurgien et l'officier. Et je rends mon estime à Milvaud. Cette fois, ça me console, et la conduite d'Élisabeth m'a franchi de tout scrupule. Un amant, c'était ennuyeux et discutable, on pouvait croire à un coup de folie. Je viens de passer par là, mais deux. Je n'aurais pas osé l'espérer. Tiens, tu es un brave, l'empereur, et je vous remercie sincèrement, lui et toi. Il n'est pas de quoi. Si, si, à demain.